Abigao. Gere Abigao. Savez-vous comment? Savez-vous comment? Zougou. Beke. Gere o Abigao. Savez-vous comment? Le premier guéré est arrivé à Bigao. C'était à Bangolo, à la gare d'Abidjan. Il est venu faire colio. Au guichet, une femme prenait son ticket. Son bébé pleurait dans ses bras. En clair, c'est clair, veut donner son bébé là. Tête, oh. Elle dit mon bébé faut t'aider. Si tu ne t'aides pas, je vais donner à tonton là. Le tonton est stupéfait. Genou en soukoulou, ça veut dire si tu peux tu fais. Oh guéré, oh bébé, oh guéré. Un guéré à Bigao, à la montée du pas. Le bébé continue de pleurer. Elle dit si tu ne t'aides pas, je vais donner à tonton là. Il n'aime pas Saint-Clair. On ne sait jamais. Le tonton a pris son ticket. Amour. Allons à Bigao. Que Dieu foué à des abords. Les aboriciens, ils sont arrivés à Cagnoua. Là, là encore, le bébé continue de pleurer. Elle dit, mon bébé, faut t'aider. Si tu ne t'aides pas, je vais donner à tonton là. Guéréo. Abigao, guéré, Abigao, arrivé à la côte, l'entend qui a soif, le tonton est descendu, il est remonté avec un seau de vin mousseux. Si jamais elle est taille, elle peut donner à tonton là. Alors à Bigao, la côte d'Ivo, Ivo bien salé, le tonton toujours répond. Voilà au dos du nord, arrivé à Jesco, le bébé commence à pleurer. Femme éclair, enlève son Saint-Clair là. Donner à bébé qui refuse toujours de têter. Elle dit mon bébé faut têter. Si tu ne têtes pas, je vais donner à tonton. Ah, menteuse. Je vais donner à tonton, je vais donner à tonton. Quand on a eu une bière, on a été guéri depuis Bangolo. Ta femme a ici, on a bien plus de temps pour retourner. Voilà comment il est venu à Bigao. Oh, Kereo, Kereitoma, oh, Kereo. Oh, Kereo, oh, Ludovico, Kereo. Dieu, Wilfried, est venu, Mouloukoukou, DJ. Pata la mouche, Désir champion. Zoué, Omer, Kevin Klazari. Oh, Kereo, Sylvain Néampli, oh, Kereo. Oh, Kereo, Grasaï, Caroline, oh, Kereo. Ah, Monacan, et la Meleke. Tout mignon, Oulaï, n'est-ce pas? Voilà comment ils sont rentrés à Bidjan. Monica Carver, Nicky Luciano, Thomas Mike Le Boulou, tous ces gays.